glace, une gaine à main si sombre. Et dans la salle de bain, tu te plantes dans la baignoire. Et tu caches sous la mousse tes chagrins dérisoires. Cendrillon, sans séduction, belle au bois dormant, tu t'endors sans amant. Blanche-Neige, sans manège, les autres font semblant, tu le sais. Sur tous tes magazines, estime-toi heureuse d'inspirer du désir. Tu es plus dangereuse qu'une poupée de cire. Cendrillon, sans séduction, belle au bois dormant, tu t'endors sans amant. Blanche-Neige, sans manège, les autres font semblant, tu le sais. Toutes les poupées, les masques, les petites sucettes, tous les trucs à ficelle, les pantis, les fossettes, tout ça foutra le camp dans la glace des toilettes. Oh, Cendrillon, sans séduction, belle au bois dormant, tu t'endors sans amant. Blanche-Neige, sans manège.